Retrouvez Patrick Pénaud et ses rendez-vous avec X. Une fois de plus, Monsieur X m'a étonné. Je savais qu'il avait fait une grande partie de sa carrière dans les services secrets, et à plusieurs reprises, il m'a laissé entendre qu'il avait gardé de nombreux contacts dans les milieux du renseignement, des relations qui lui permettent encore aujourd'hui de nourrir ses récits qu'il dispense semaine après semaine. Mais je n'imaginais pas qu'il soit aussi bien informé sur les dernières techniques de l'espionnage. Je veux parler du renseignement électronique. Sans doute pensais-je qu'en raison de son âge, M. X était étranger au monde de l'informatique. J'avais tort. L'affaire qu'il a développée pour moi cette semaine le montre de façon éloquente. Il faut d'abord savoir que les services de renseignement, tous les services de renseignement, accordent une place de plus en plus importante à l'informatique et aux nouveaux modes de communication. Ne l'oublions pas, ce sont les militaires américains qui ont inventé le réseau Internet, sans mesurer sans doute quel en serait l'avenir. Quoi qu'il en soit, ces millions d'ordinateurs connectés dans le monde ont transformé définitivement les méthodes du renseignement. D'abord parce que l'information ouverte, comme on l'appelle, et qui constitue quelque 90% de la manne des services secrets, est désormais accessible instantanément. Mais surtout parce que le réseau Internet permet des intrusions à l'intérieur des systèmes informatiques les plus protégés. Des intrusions dans les bases de données, mais aussi des sabotages, ce que d'aucuns appellent le cyberterrorisme. Nous allons y revenir. Les services de renseignement du monde entier ont donc mis au point des techniques leur permettant de piéger ces milliards d'informations qui circulent librement sur Internet. Aux États-Unis, par exemple, la NSA, la plus puissante agence de renseignement, avant même la CIA, plus connue mais moins riche, surveille pratiquement toutes les communications internationales grâce à des systèmes informatiques gigantesques. Et en avril dernier, un rapport d'un député britannique européen révélait l'existence du réseau Echelon, un système mondial de surveillance électronique regroupant autour des États-Unis la Grande-Bretagne, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Ce réseau permet l'interception de toutes les communications par satellite, de la majorité des appels téléphoniques, des fax et du courrier électronique. Un système qui peut intercepter plusieurs millions de communications à la minute. Ces écoutes sont ensuite triées et filtrées au centre de la NSA par un puissant ensemble d'ordinateurs qui réagissent à un certain nombre de mots-clés choisis par les opérateurs. Echelon, c'est évident, a démodé l'arsenal classique de l'espionnage. La plupart des experts estiment que les États-Unis et leurs alliés anglo-saxons ont ainsi bénéficié en particulier d'informations confidentielles dans la négociation d'importants contrats économiques au détriment d'autres pays, comme la France. L'affaire dont m'a entretenu M. X n'est pas moins importante dans un instant son récit. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. L'intrusion, c'est le cauchemar de tous les informaticiens. L'intrusion, c'est-à-dire la pénétration dans un système informatique. Hein, oui, c'est bien ça. Il y a bien des manières pour y parvenir. Alors, lesquelles? Bah d'abord, il faut savoir que les mots de passe qui interdisent en principe l'accès au disque dur d'un ordinateur ne résistent pas au savoir-faire d'un pirate, d'un cracker, comme on dit dans le petit monde des informaticiens. C'est-à-dire d'un type capable de craquer, de casser ce mot de passe. Et ça, c'est possible donc, Ces gars-là se confectionnent en général de véritables dictionnaires de mots de passe. Ils y mettent tous les mots imaginables, noms propres, noms communs, verbes conjugués, surnoms, etc. Et ils les font défiler à toute vitesse. Plus de 50 000 à la seconde. 50 000 mots à la seconde. Oui, il est bien rare qu'ils ne finissent pas par tomber sur le bon. Ouais. Et donc qu'ils parviennent à entrer dans l'ordinateur. Exactement, à partir de là, tout est possible. Ouais. Mais c'est-à-dire... Il y a plusieurs modes d'attaque. Hein. La plus simple, c'est de faire son marché, de se servir, en fait. C'est-à-dire de s'approprier les informations que l'ordinateur contient. Bien sûr, mais il y a quand même plus vicieux. L'un des procédés utilisés a été baptisé la bombe logique. Ça expliqué, alors. On introduit dans l'ordinateur visité un programme qui va modifier ou détruire les logiciels existants. intéressant. C'est d'autant plus malveillant qu'on peut tout à fait concevoir un déclenchement différé. Ainsi, le pirate peut faire exploser sa bombe logique lorsqu'il le veut. Mmh. Il y a d'autres procédés aussi? Oui, le cheval de Troie. Ah, cheval de Troie, ça peut être une intrusion masquée. Oui, le pirate, le hacker, comme on dit, introduit dans l'ordinateur visé un programme apparemment inoffensif et invisible, mais qui contient une fonction cachée. Ainsi, il est possible de consulter en permanence les informations contenues sur le disque dur. Mmh. Ça me rappelle l'histoire de Maxwell et du logiciel piégé, ça. Oui, ce logiciel baptisé Promise, dans lequel on avait glissé une puce qui permettait de vider à distance la mémoire des systèmes informatiques. Oui, d'après vous, si je me souviens bien, Maxwell, qui avait été chargé par les Américains et les Israéliens de commercialiser ce logiciel, l'a payé de sa vie. Tout à fait. Mmh. Il existe encore d'autres méthodes. Le verre, par exemple. Le verre? Oui, parce qu'il s'agit d'une sorte de parasite qu'on introduit dans un disque dur et qui va se développer au détriment de la mémoire vive de l'ordinateur. Donc qui va la détruire? Naturellement. Des versions plus sophistiquées permettent même de contaminer les machines qui sont connectées à l'ordinateur infecté. Mais et les virus, alors, c'est un peu la même chose, ça? Oui, vous avez raison. Le virus informatique, c'est une infection qui se développe dans le disque dur et qui détériore les programmes, les fichiers, ce qu'on appelle les zones système. D'habitude, ces virus se déclenchent à une date donnée ou encore lorsque l'utilisateur du système utilise une fonction bien précise. Oui, mais il existe des antivirus en fait. Oui, bon. Et la plupart sont fabriqués par ceux-là même qui ont inventé les virus. Mais enfin, c'est une autre chose. Ouais. Mais quand l'ordinateur n'est pas relié à un réseau Internet, est-ce qu'il est quand même vulnérable? Oui. Et comment alors? Les ordinateurs sont des émetteurs. Des émetteurs. Lorsqu'ils fonctionnent, ils émettent des ondes, enfin des signaux électriques. Ouais. Il suffit donc de les capter pour décrypter ce que l'opérateur est en train de taper. Sachez que même les signaux émis par le clavier peuvent être enregistrés et déchiffrés. Et comme il y avoir des parades? Oui, enfin des parades très coûteuses. Il faut en quelque sorte blinder les appareils pour qu'ils ne laissent échapper aucun signal. Ou alors, il faut installer des ordinateurs dans des cages de Faraday. Oui. Alors, élargissons. Est-ce qu'on a une idée de l'importance de ces effractions? À peu près. J'ai eu connaissance, il y a peu de temps, de statistiques américaines. Il faut dire que là-bas, on est particulièrement sensible à ce genre d'affaires. Pourquoi plus que... Figurez-vous qu'il y a quelques semaines, les autorités américaines ont découvert sur Internet des messages secrets émis par le service de sécurité du président des États-Unis. C'est énorme, non? À tout le moins inquiétant. Les Américains savent que c'est leur département de la défense qui est le plus attaqué. Un département qui dispose de plus de 2 millions d'ordinateurs et de milliers de réseaux. Ouais, donc particulièrement vulnérable. Oui. Et dans une récente étude, le FBI a estimé que chaque année, le département de la défense était l'objet de quelques 250 000 attaques de la part de pirates informatiques. Mais est-ce que ces attaques ont été, parées? Très peu. Deux tiers de ces attaques ont réussi. C'est-à-dire que des pirates sont parvenus à s'introduire dans les cercles les plus confidentiels, par exemple, du pouvoir militaire. Oui, d'autres statistiques sont encore plus spectaculaires. Les attaques de sites informatiques militaires réussissent dans 88% des cas. Et seulement 4% des sites attaqués ont été capables de repérer ces agressions. Ouais. Mais les conséquences de tout ça, alors? Financièrement, elles sont absolument considérables. Parce qu'à chaque fois, il faut changer et réviser tous les systèmes de sécurité. Enfin, bien entendu, il y a plus grave. Et la NSA, l'Agence Nationale de Sécurité, a récemment mis en évidence que des pirates étaient capables de rendre inopérant le commandement américain pour le Pacifique. Rien que ça, hein? Oui. Ou encore de paralyser en quelques jours le réseau électrique des États-Unis. Ce qui signifie qu'un ennemi potentiel, État ou organisation terroriste, peut créer des dommages irréparables aux Américains. Mais alors, si je vous comprends bien... Il n'y a pas beaucoup de moyens de protection. Hein. Bon, n'exagérons pas. Il en existe quand même. L'utilisation de la cryptographie, par exemple. Mais il faut bien reconnaître que beaucoup d'entreprises sont négligentes. Et quand les spécialistes des services secrets arrivent, il est souvent trop tard. Alors, il n'y a rien à faire. Si, c'est ce que nous avons fait nous-mêmes en France. Il faut prendre les pirates de l'informatique à leur propre jeu et les retourner. Dans son livre, intitulé « Guerre dans le cyberespace, services secrets et Internet », paru aux éditions de La Découverte, le journaliste Jean Guinel décrit un procédé mis au point par les services français pour pénétrer les ordinateurs protégés et non reliés à un réseau. Ce programme, initialement appelé « femme de ménage », est conçu pour être utilisé par une personne ne connaissant rien à l'informatique, mais ayant accès à un ordinateur intéressant. Une femme de ménage, par exemple. Je cite Guinel. Les instructions que cette excellente personne doit appliquer au profit d'un commanditaire quelconque, sont d'une simplicité extrême. Allumer l'ordinateur, glisser une disquette dans le lecteur, cliquer deux fois sur le logiciel qu'il contient pour le mettre en service, puis éjecter la disquette sans oublier d'éteindre l'ordinateur. Ni vu, ni connu, 3 minutes de répétition et c'est réglé. Puis la dame reprend sa serpillière. Quelque temps plus tard, disons 3 jours, elle repasse et effectue la même opération. Elle réinstalle la disquette sur laquelle un dossier vient s'enregistrer tout seul, éjecte la disquette et la rapporte chez le commanditaire, lequel ouvre le dossier et que voit-il ? Tout ce que l'utilisateur légitime du système a tapé sur son clavier et, dans certaines conditions, les opérations concernant toutes les activités de la machine. Des textes, évidemment, mais aussi les informations les plus précieuses pour qui veut tout connaître des fichiers de quelqu'un, mots de passe en clair, clés de décryptage, etc. En outre, toujours d'après Guinel, ce logiciel qui vient se greffer sur le gestionnaire de clavier de la machine visée est pratiquement indétectable. Mais que voulez-vous dire en affirmant que l'une des meilleures parades au piratage informatique consiste à retourner les pirates ? Eh bien, ces hackers sont souvent des garçons extrêmement doués, très talentueux. Et lorsqu'ils se font prendre, car même les meilleurs d'entre eux finissent par tomber, il est vraiment très tentant de leur proposer de travailler dans les services. Ça, c'est dans la grande tradition de l'espionnage. Un espion pris la main dans le sac peut devenir un agent double. Exactement. Et je peux vous dire que ces surdoués n'hésitent jamais très longtemps entre la perspective d'aller en prison et celle de collaboration. Un garçon intelligent choisit rapidement. Ce n'est peut-être pas tout à fait légal. Mais c'est juste, parce que ces pirates sont soustraits à la justice. Mais que voulez-vous ? En matière de renseignement, on ne nourrit pas ce genre de scrupules. Ouais. Mais d'accord, mais que leur demande-t-on de dénoncer d'autres pirates ? Éventuellement. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que ces garçons acceptent de mettre leur talent à la disposition des services. Et pour détecter d'éventuelles tentatives de piratage ? Bien sûr, mais et aussi et surtout pour trouver de nouvelles techniques d'espionnage électronique. Tout ça, c'est pas très moral, hein ? Ouais, mais c'est très efficace, je vous l'assure. De nombreux anciens pirates ont été ainsi recrutés officieusement, bien entendu. Et ils ont tous fourni un excellent travail. J'ajoute que beaucoup d'entre eux ont collaboré avec un grand enthousiasme. Et pour quelle raison ça ? À l'origine, un hacker, c'est un petit malin qui pirate pour le plaisir. Une satisfaction purement intellectuelle. Pénétrer un fichier ultra secret du Pentagone, ça doit effectivement procurer des sensations. Oui, peut-être, mais vous avez dit à l'origine, alors. Oui, parce qu'après, ça peut se gâter. Et pourquoi ça ? Eh bien, le pirate peut être tenté de monnayer les informations qu'il a recueillies lors de ses intrusions dans un système informatique. Et certains services sont à l'affût de ce genre de tuyaux. Je vais vous en donner la preuve tout à l'heure. Donc, vous le concevez très bien, ça peut dégénérer. Le gentil hacker peut devenir un espion malgré lui. D'accord, mais vous m'avez dit aussi que ceux qui ont été recrutés ou ont collaboré, comme vous dites, l'ont fait avec enthousiasme. Oui, parce qu'au lieu de travailler chez eux avec de petits moyens, on leur a brusquement ouvert les grandes portes. Avec du matériel très performant, des possibilités de recherche absolument extraordinaires. C'était plus du bricolage, c'était le grand jeu. Et peu importait à ces voleurs d'être soudain passés du côté des gendarmes. D'ailleurs, les services vont aller encore plus loin et susciter des vocations de pirates. Ça a raconté, c'est intéressant. Ah, c'est un rapport direct avec le dossier dont je voudrais vous entretenir. Ah, parce qu'on y vient quand même. Oui, je sais. J'étais un petit peu long, mais je crois qu'il fallait ce long préambule afin que vous compreniez mieux. Ah, je vous remercie de votre attention. Bon, vous n'allez pas vous vexer. Au milieu des années 80, notre attention a été attirée par une association très curieuse, le CCC, autrement dit le Chaos Computer Club. De quoi s'agissait-il exactement ? D'un groupe de jeunes Allemands de Hambourg. Des informaticiens ? En tout cas des types très forts en informatique. 3 jeunes gars qui pensaient d'abord à s'amuser. Ils avaient commencé assez modestement en attaquant le standard téléphonique d'une caisse d'épargne. Et grâce à cette intrusion, ils avaient passé des milliers de coups de fil gratuitement. Par jeu, non ? Oui, mais très vite, ils se sont livrés à des jeux autrement plus dangereux. Et c'est là où nos services ont eu la puce à l'oreille. À la fin de l'année 86... Mais comment ? Une société française travaillant pour la défense nationale dans un secteur extrêmement sensible s'est aperçue que son système informatique était victime d'intrusions répétées. Et quand vous dites secteur extrêmement sensible... Écoutez, là, je suis désolé, mais j'ai pas le droit d'en dire plus. Quoi ? C'est secret défense ? Oui, oui, oui. Ouais. Et le nom, le nom de la société ? Oui, ça, on peut. Thomson. Et ces intrusions, là de... Dans les services, nous avons pris les choses en main. Parce qu'il s'agissait justement d'un secteur très sensible. Naturellement. Et pour pincer les pirates, nos spécialistes ont créé ce qu'on appelle une porte informatique. Et encore, c'est encore du jargon, ça expliquait qu'est-ce que c'est ? Il s'agit tout simplement de fabriquer un passage surveillé. un passage que le pirate est obligé d'emprunter s'il veut entrer dans le système. La machine enregistre alors toutes les connexions et tous les accès. Et donc toutes les intrusions. Exactement. Et ça a donné des résultats ? Assez rapidement, oui. Et nous nous sommes aperçus que les attaques venaient d'Allemagne. Je sais que vous ne voulez pas, que vous ne pouvez rien dire sur le secteur sensible attaqué, mais vous êtes peut-être quand même en mesure de me dire en quoi consistent les attaques, au moins. Oui, ça je peux, oui, oui. Imaginez un système excessivement sophistiqué et précis. Un système où l'informatique joue un rôle essentiel. À distance, un agresseur s'immisce dans le processus de fabrication des puces électroniques du système. Il ajoute à ces puces des éléments d'information qui vont modifier leur travail et qui, à terme, vont donc complètement dérégler le système. Vous comprenez ? Je comprends surtout que, je sais pas, dans le cas d'une arme moderne comme un missile, par exemple, ça peut avoir des effets catastrophiques. Hein. Mais écoutez, vous pouvez penser ce que vous voulez, je n'en dirai pas plus. Ben, d'accord, il n'y a rien à faire. Mais il doit bien quand même exister un moyen de détecter ce genre d'attaque. Non, aussi étonnant que cela puisse paraître, car la puce, apparemment, est normale. On peut la vérifier autant de fois qu'on veut. La modification est absolument indétectable. Et le composant électronique joue apparemment le rôle que le constructeur lui a assigné. Parce qu'on ne lui a rien retiré. Le pirate s'est contenté de lui ajouter quelque chose, de le parasiter en quelque sorte. Donc la fiabilité de la puce ne semble pas compromise. C'est clair ? À peu près, oui. Donc vous établissez que l'attaque vient d'Allemagne, hein ? Oui, et plus précisément, nos experts découvrent que les connexions illicites sont effectuées à partir du laboratoire européen de biologie moléculaire de Hambourg. Logiquement, nous alertons nos collègues du BFV, le contre-espionnage allemand, et du BKA, l'équivalent de notre police judiciaire, tout en continuant, naturellement, notre enquête en France. Mais attendez, avant de poursuivre, là, j'imagine que chez Thompson a dû prendre de sacrées mesures de sécurité. Bien évidemment. D'abord, le système a été coupé de tout réseau extérieur. Et pendant plusieurs semaines, les informaticiens de la société ont installé des défenses. Mais dès que le système a été rebranché, on s'est aperçu avec horreur qu'en à peine un quart d'heure, toutes les défenses ont été cassées. Les pirates étaient à nouveau entrés dans les ordinateurs de la société. Ouais, des teams drôlement pointus, donc. Oui, très pointus. Et bientôt, nous allions découvrir que Thomson n'était pas la seule société attaquée. D'autres entreprises, d'autres laboratoires très secrets, qui travaillaient en particulier pour le secteur nucléaire, avaient été aussi pénétrés. En France, mais également aux États-Unis. Jamais encore on n'avait assisté à une attaque informatique d'une telle ampleur. Commissaire divisionnaire de la DST et aujourd'hui chef de sécurité de l'OCDE, Daniel Martin a publié aux presses universitaires un ouvrage très complet sur la criminalité informatique. Il est, à ma connaissance, l'un des seuls spécialistes à évoquer le dossier ouvert aujourd'hui par M. X. Il décrit avec précision les méthodes utilisées par les pirates. Je cite cet expert. « Les machines attaquées peuvent l'être comme de simples calculateurs offrant une grande puissance de calcul pour faire du chiffrement, afin de casser des fichiers de mots de passe. Dans ce cas, il y a vol de temps machine et une telle utilisation frauduleuse des systèmes peut parfois passer inaperçue, surtout si elle se produit la nuit ou durant un week-end. Les machines peuvent aussi servir de simples passerelles pour rebondir et l'utilisation de plusieurs réseaux interconnectés contribue à brouiller les pistes. Il est en effet très difficile de localiser la source des attaques lorsque de nombreux réseaux sont impliqués. Quand un pirate se connecte au Japon depuis l'Australie, puis rebondit aux États-Unis pour arriver sur une machine en France, ce qui représente un exemple très simplifié de ce qui se passe dans la réalité, si les réseaux X25, Internet et téléphonique ont été utilisés, il est alors difficile, voire impossible, de remonter jusqu'aux pirates. Daniel Martin explique aussi un système de piratage particulièrement astucieux. Je le cite à nouveau. En utilisant le système de messagerie électronique, des pirates ont pu envoyer de faux courriers à des utilisateurs en se faisant passer pour l'administrateur système. Ces messages étaient constitués à peu près comme celui-ci. Notre système informatique vient d'être compromis par un piratage. Pour des raisons de sécurité, vous devez immédiatement changer votre mot de passe. Votre nouveau mot de passe est ATGDF659. Merci de votre compréhension, signé votre administrateur système. L'intrus, bien sûr, pouvait ensuite rentrer dans le système avec le nouveau mot de passe qu'il venait lui-même de donner. Pour comprendre comment autant de sociétés ou de laboratoires ont pu être pénétrés, il faut savoir que la plupart des entreprises répugnent à reconnaître que leur système informatique a été piraté. Question de crédibilité. Bien entendu. Et on estime que moins de 10% des sociétés piratées portent plainte, ce qui constitue incontestablement un encouragement indirect aux hackers. Mais revenons à notre affaire, là. Est-ce que les enquêteurs allemands ont abouti? Oui, malgré tous les systèmes de brouillage derrière lesquels se cachaient les pirates. Ouais. Et si je vous ai bien suivi, ils identifient donc ces gens du Chaos Computer Club de Hambourg. C'est exact. Et si ces types ont été découverts, c'est qu'ils avaient commis des imprudences. Mais expliquez lesquels? Eh bien, ils ont été en quelque sorte victimes de leur propre succès. Leur entreprise de piratage avait pris une telle dimension qu'il ne suffisait plus à la tâche. Et ils ont sous-traité quelques travaux à d'autres spécialistes. Donc trop de gens étaient désormais dans le coup. Une fuite était inévitable. Mais il ne suffisait pas d'avoir identifié les pirates. Il fallait aussi savoir ce qui se cachait derrière cette fantastique opération de piratage. Tentative d'espionnage, j'imagine. Naturellement. Je vous l'ai dit, ces types du Chaos Computer Club, les dénommés Hübner, Koch et Brzezinski, étaient des petits génies de l'informatique. Ils ont compris assez vite que leur talent pouvait leur apporter beaucoup d'argent. C'était d'autant plus important et urgent pour eux qu'ils étaient toxicomanes. Ah. Ils vont donc essayer de monnayer leurs informations. Oui. Et comment ça s'est passé exactement, ça j'avoue que c'est un point qui n'a pas été entièrement éclairci. Toujours est-il qu'un jour, le trio a été en contact avec un certain Sergueï Markov. Un soviétique. Markov était membre de la mission commerciale russe à Berlin-Est. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'était un agent du KGB, effectivement. Ouais, les jeunes gens du Chaos Computer Club lui ont proposé de travailler pour lui. Non. Ils lui ont simplement proposé de lui vendre les codes de procédure d'accès au système informatique qu'ils avaient piraté. Et comment ce Markov a-t-il réagi? Vous pensez bien qu'il a été immédiatement intéressé, parce que parmi les établissements piratés, il y avait de gros poissons, surtout en matière de défense. Mais avant de donner sa réponse, Markov a alerté sa centrale. À Moscou, on a pris aussitôt la mesure de l'affaire. Et un budget important, plus d'un million de marques, lui a été attribué. Mais les Russes sont des gens prudents et ils ont pris des précautions. Quelles précautions exactement? Markov, sur instruction de sa centrale, a dit au trio de pirates « D'accord, on paye, mais pas question d'exploiter nous-mêmes vos informations. C'est vous qui allez continuer le travail. » C'est-à-dire exploiter la pénétration dans ces systèmes informatiques? Oui, les soviétiques ne voulaient pas prendre le risque d'être découverts. Et les pirates ont accepté ce marché? C'était des toxicomanes, je vous le rappelle, ils n'avaient guère le choix. Et ils ont fait exactement ce que le KGB leur demandait. Fourniture de données puisées dans les ordinateurs piratés, mais aussi installation de cette puce parasite dans le système d'armement très sensible que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais comment se passait l'échange de ces informations? Très simplement, dans le métro berlinois. Les pirates du Chaos Computer Club y remettaient discrètement leurs disquettes à leur officier traitant. C'est Markov, donc. Oui. Ainsi qu'une masse énorme d'informations ultra-secrètes sur la technologie occidentale est parvenue directement à Moscou. Je crois vous l'avoir dit à propos de l'affaire Farwell. Les soviétiques avaient fait de cette quête un objectif prioritaire. Ouais, afin de faire des économies. Bien entendu, toutes ces informations scientifiques recueillies à l'Ouest, c'était autant d'économies réalisées dans les laboratoires de recherche à l'Est. Or, dans cette période où l'on ne parlait que de guerre des étoiles, les soviétiques peinaient à suivre l'énorme effort consenti par les États-Unis à l'initiative de Reagan. Donc, tout était bon à prendre. À Moscou, il existait même un organisme interministériel, le VPK, qui était chargé de coordonner cet espionnage technologique et scientifique et de passer commande aux agents infiltrés à l'Ouest. Mais revenons au Chaos Computer Club. Là, les Allemands ont immédiatement arrêté ses membres? Non. Ils ont d'abord voulu comprendre comment le système fonctionnait. Et les pirates ont été pris la main dans le sac. Et leur officier traitant, Sergueï Markov, a pu être identifié. Et que leur est-il arrivé, là? L'un d'eux, le nommé Hübner, a beaucoup parlé. Et il a pu bénéficier d'un statut de repenti, comme on dit en Italie. C'est-à-dire qu'il a dénoncé ses petits camarades. Bien sûr. Et les autres? Certains, les fondateurs du Chaos Computer Club, ont été inculpés pour intelligence avec une puissance étrangère. Mais d'autres, des comparses, ont été simplement poursuivis dans le cadre d'une enquête de droit commun. Mais peut-être ont-ils été retournés, eux aussi, non? C'est probable. Mais l'affaire n'en est pas restée là. Malgré l'enquête minutieuse menée par les policiers allemands, cet extraordinaire dossier d'espionnage devait encore cacher bien des secrets. Et deux des membres du Chaos Computer Club ont rapidement trouvé la mort. Une mort violente. Assassiné? Vraisemblablement. Le principal meneur du groupe, Koch, a été retrouvé brûlé dans une forêt proche de Bonn. Officiellement, il s'est immolé par le feu, en fait. Il est certain que ses commanditaires soviétiques l'ont supprimé pour l'empêcher de parler. Admettons. Ouais. En tout cas, cette affaire nous avait échaudés. Et dans les services, des gens malins se sont dit que le meilleur moyen de contrecarrer une nouvelle entreprise de piratage de l'ampleur de celle du Chaos Computer Club, c'était de créer notre propre club. Propre club, ça veut dire un club de pirates? Exactement, c'est ce qui s'est fait à l'initiative de la DST. Le Chaos Computer Club de France est né ainsi. Et dont le véritable objectif Attirer le maximum de pirates en herbe. Et donc les contrôler? Évidemment. Mais l'opération a été faite si habilement que ce club n'a jamais été soupçonné d'avoir été en fait un sous-marin du contre-espionnage. Et il existe toujours? Malheureusement, non. Pourquoi? Disons pudiquement qu'il a été victime de la guerre des polices. Son principal animateur a été arrêté pour une affaire de piratage téléphonique. Et la DST a été obligée de le lâcher. Mais je vous assure que pendant les années où il a fonctionné, ce club a été particulièrement efficace. Et qu'il a attiré dans les filets des services des centaines de pirates talentueux qui auraient peut-être mal tourné s'ils n'avaient rencontré le Chaos Computer Club de France. J'ai cité tout à l'heure Daniel Martin, ancien commissaire de la DST et auteur d'un ouvrage exhaustif sur la criminalité informatique. Ce dernier donne la mesure de cette menace en reproduisant un scénario de cyberattaque écrit par les responsables américains de la sécurité nationale. Le voici. L'Iran tente de tarir la production de pétrole de l'Arabie Saoudite. Washington envisage d'envoyer des troupes dans la péninsule. Les Iraniens, se souvenant de l'échec de Saddam Hussein, décide de porter le combat sur le sol américain et de s'attaquer à son point faible, les systèmes d'information. Tout à coup, des centraux téléphoniques de bases militaires deviennent inutilisables, saturés de virus auto-répliquants. D'autres sont hors service, attaqués par des bombes logiques. La Maison-Blanche envoie du matériel militaire dans le Golfe. Un train convoyant du matériel à destination d'un aérodrome déraille à la suite d'un dysfonctionnement du système de contrôle du trafic ferroviaire. Plusieurs centres météo tombent en panne, les avions sont cloués au sol. La Banque centrale découvre une tentative de sabotage de son système de transfert de fonds. CNN annonce que l'Iran a payé les informaticiens russes et indiens pour détruire l'économie occidentale. Les cours des bourses s'effondrent, plusieurs banques d'importance sont piratées, l'information s'ébruite, panique chez les épargnants qui veulent à tout prix récupérer leur argent. Au même moment, Washington est privé de téléphone. Le président ne peut même plus réunir ses conseillers. L'ordre de départ des soldats vers l'Arabie Saoudite est donné, mais s'effectue dans le plus grand chaos en raison des problèmes de communication. Scénario catastrophe, bien sûr, mais pour combien de temps encore? À samedi prochain. C'était Rendez-vous avec X. Merci à Patrick Pénaud. On le retrouvera bien sûr samedi prochain, juste après le 13h.